suis épaulé par la pauvreté, c'est de la boue. T'es du lotus que t'as arraché ta beauté. Tout le riz que t'as planté, tous les coups que t'as ramassé. Pas une seule plainte, pas un seul cri, trois larmes timides ont débordé. T'es durci à encaisser, présent, passé, tout est frappé par le destin. Le destin, la roue tourne ton impatience amère, fait-il. Laisse un arrière-goût de venin. La peau dans tous les bars, je me suis noyé entre la pierre et la plume. J'ai hésité, j'ai fait mon chemin. Présent, passé, cherche pas la lune. Tout est frappé par le destin, par le destin. La roue tourne, j'ai pas confiance en une vie qui sonne comme une nuit sans lendemain, sans lendemain. C'est de la boue, t'es du lotus que t'as arraché ta beauté. Pour tout le riz que t'as planté, tous les coups que t'as ramassé. Pas une seule plainte, pas un seul cri, trois intimides ont débordé. Tu t'es durci à encaisser, présent, passé. Tout est frappé par le destin. Le destin, la roue tourne ton impatience amère, fait-il. Laisse un arrière-goût de venin, de venin. La peau dans tous les bars, je me suis noyé entre la pierre et la plume. J'ai hésité, j'ai fait mon chemin. Présent, passé, cherche pas la lune. Tout est frappé par le destin, par le destin.